professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Qu'arrive-t-il aux villes des Philistins qui recueillent l'arche qui a été prise aux Hébreux ? Comment émerge l'idée que l'arche d'alliance ne peut rester nulle part ? Demande Thomas Römer. Comment de Gath à Écron va-t-elle revenir aux Hébreux ? Et comment des chariots tirés par des vaches transportent-ils l'arche vers la ville frontière de Beth-Shemesh ? Entre stimulante érudition et actualisation des recherches, Thomas Römer, titulaire de la chaire des milieux bibliques, ancien doyen de la faculté de théologie de l'Université de Lausanne, poursuit sa grande enquête au cœur des textes bibliques et des sources antiques dans le cadre de sa série intitulée « L'Arche d'Alliance, mythes, histoires et histoires ». L'exégète s'attache au transfert de l'arche par les Philistins sur leur territoire, donc en territoire ennemi, après leur victoire sur Israël. Or, les villes et les habitants qui hébergent cette arche sont frappés de plaies, de malheurs, d'abord à Ashdod, puis à Gath et enfin à Écron. Thomas Römer a analysé comment ces récits vont montrer la supériorité de l'arche et renverser la victoire des Philistins en désolation. Les Philistins, affolés par les malheurs, les plaies qui les frappent, vont consulter les spécialistes religieux pour savoir quoi faire de l'arche. S'ils comprennent qu'il faut laisser l'arche retourner en Israël, pourquoi ne reste-t-elle pas à Beth-Shemesh, la ville frontière ? Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France les 5 et 12 avril 2018 pour le cours de Thomas Römer, aujourd'hui, les transferts de l'arche. De Gath, on va continuer à Écron, donc je vais vous lire la suite de l'histoire. Il arriva que lorsqu'on eut transféré donc l'arche à Gath, la main de Yahvé provoqua une grande panique et il frappa les hommes de la ville, du plus petit au plus grand. De nouveau, la Septante ajoute, il les frappa sur les fesses et ils eurent une éruption de tumeur. Ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron, donc on va y arriver, et lorsque l'arche de Dieu arrive à Écron, cette partie-là manque dans le texte de la Septante, probablement simplement par une erreur de scribe. Pourquoi ? Parce que vous voyez, vous avez ici Écron, et là vous avez Écron encore une fois. Et ça, c'est un scribe, en fait, ne fait pas attention, il saute une ligne parce qu'il y a deux fois le même mot, donc on appelle ça une haplographie. Les Écronites s'écrièrent, ils ont transféré vers moi, donc c'est toujours singulier, donc c'est une sorte de singulier collectif, ils ont transféré vers moi l'arche du Dieu d'Israël pour me faire mourir ainsi que ma ville. Ce qui évidemment est mis au pluriel, mais je pense, dans le texte massorétique, c'est pour des raisons stylistiques qu'on se met au pluriel. Ils envoyèrent et rassemblèrent tous les gouverneurs des Philistins, ils dirent, renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne à son endroit, qu'elle ne tue ni moi ni mon peuple. Et en effet, une panique mortelle s'était répandue dans toute la ville. La main de Dieu y pesait lourdement. Et c'est là où la Septante a rajouté lorsque l'arche du Dieu d'Israël est arrivée, ce qui manquait dans le verset précédent. Vous voyez, quelqu'un l'a rajouté après coup. Quant aux hommes qui n'étaient pas morts, ils étaient frappés par des tumeurs et le cri d'appel au secours de la ville monta au ciel. Donc, l'envoi de l'arche à Écron semble maintenant la seule initiative des gens de Gath. Donc, il ne ressemble plus à personne. Dit, on va s'en débarrasser vite à Écron, et qui est en effet la ville philistine, ce qui est logique au niveau. Donc, le narrateur connaît quand même un peu la géographie parce qu'il sait que Écron, c'est la ville la plus proche. Donc, en 2 heures, vous y êtes. Donc, vous pouvez facilement y envoyer l'arche. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, on ne décrit jamais comme ils envoient l'arche. Après, quand ils renvoient l'arche, il y a tout un scénario. Hein, mais comment ils ont envoyé l'arche, ça reste un mystère. Je ne sais pas comment le narrateur s'est imaginé la chose. J'ai beaucoup réfléchi, mais je n'ai pas trop d'idées non plus, parce que le narrateur ne nous dit rien. Est-ce qu'ils l'ont mis déjà sur un chariot, etc. On ne sait rien. Donc, Écron, c'est là où l'arche va maintenant arriver. Et là, c'est très curieux parce que Écron, dans le texte grec, c'est jamais Écron, c'est toujours Ashkelon. Donc, ce qui n'est pas très logique au niveau géographique. Donc, elle est arrivée de Gath à Écron, selon le texte hébreu, et selon le texte grec, elle serait à Ashkelon. Vous avez une idée là-dessus ? On peut expliquer dans le contexte en fait historique du traducteur. Là, on sait très clairement que c'est le traducteur grec qui l'a fait. Pourquoi ? Parce que en effet, selon le texte dont je vous ai déjà parlé, de 1 Maccabée 10, Écron a été donné aux Asmonéens par le gouverneur grec. Donc du coup, Écron, pour le traducteur grec, c'était plus une ville philistine. Donc ça faisait plus de sens pour lui de traduire par Écron, parce que Écron faisait partie de la Judée à l'époque au IIe siècle où il traduit le texte. Donc en fait, il fallait qu'il se débrouille, et donc il s'est débrouillé en fait en prenant une ville philistine qui n'a jamais été judéenne, à savoir Ashkelon. Donc ça, on comprend très bien comment en fait on explique cette différence. Donc Écron, de nouveau, une fondation philistine, sans doute, ville très importante, qui décline ensuite de 20 hectares à 3-4 hectares, qui reprend un peu d'importance. Alors on trouve dans le livre de Samuel l'idée que le prophète Samuel aura conquis la ville de Gath et Écron, donc les deux de l'histoire de l'Arche, mais c'est sans doute en lien avec cette histoire et certainement pas une information historique. On apprend également dans le livre des rois que le roi Achazias, qui était malade, aurait en fait envoyé une délégation à Écron pour consulter le dieu Baal-Zebou, qui devient Belzebou après, hein, qui est sans doute une sorte de moquerie, transformation du titre original Baal-Zebul, Baal le prince. Baal le prince, et ce qui déplaît évidemment au prophète Élie en disant « Mais est-ce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que tu envoies une délégation à Écron ?» Mais c'est très intéressant parce que ça montre à la fois, évidemment, c'est pas très loin de Jérusalem, et en même temps, apparemment, ce Baal Tzeboul, donc de nouveau un dieu du Levant, avait apparemment quand même une certaine réputation, ce qui explique l'initiative du roi Achazias. Comme Ashdod, comme Gath, la ville est prise par Sargon, et là on a même une représentation en fait de cette prise de Écron par l'armée assyrienne. Et ensuite, de nouveau, les rois de Écron deviennent des vassaux, des alliés des Assyriens. D'ailleurs, Icausis ou Achish va d'ailleurs récupérer une partie du territoire judéen. Donc, si vous faites l'histoire de la Judée, il faut toujours aussi regarder du côté des Philistins. Et on a trouvé en 1996 une inscription de ce roi Icausis qui est très intéressant parce qu'on peut le comparer avec le récit de la construction du temple de Salomon. C'est un récit de construction du temple par ces Icausis. Et de nouveau, vous voyez que c'est écrit en écriture phénicienne. Donc on a repris l'écriture phénicienne et donc dans cette écriture, vous avez le temple qu'a bâti Icausis, prince d'Écron, prince avec Sar, comme en hébreu, pour une déesse où manque une lettre, sa maîtresse, qu'elle le bénisse et le garde, prolonge ses jours et bénisse son pays. Alors, la question de l'identité de la déesse a été très, très largement discutée. Très, très récemment, Alexander van Talkin de l'Université Tel Aviv a trouvé, à mon avis, une bonne solution. Et il a proposé en fait, de lire le nom où il manque en fait, une lettre comme Patinaya, qui pourrait être mise en relation avec ce royaume de Patina, qui pourrait être même à l'origine du mot Palestina, donc peut-être aussi en lien avec les Philistins, un royaume de la Syrie du Nord. Et là-bas, en fait, va se trouver à l'époque assyrienne l'endroit Tel Tainat, où on a trouvé un exemplaire de ce traité d'Assaradon, qui est aussi la base du Deutéronome, où se trouve aussi, dans la liste de dieux, la Sarat Ekron, la dame d'Ekron. Donc c'est en effet la même déesse, ce qui montre de nouveau le lien entre les Philistins et le monde anatolien, disons anatolien, puisque je vous ai dit que le Philistin, il vient certainement une partie de la Méditerranée, mais en partie peut-être aussi via le royaume, l'ancien royaume hittite, via l'Anatolie. Et donc ce récit se termine par ce cri d'appel au secours qui marque la fin de l'épisode. Ce qui est très très intéressant, on dit que le cri au secours de la ville monta au ciel. Mais vers qui est-ce qu'il crie ? Très curieux, vers qui est-ce qu'ils crient ? Parce qu'ils auraient pu crier vers leur Dieu. Le texte ne dit pas. D'ailleurs, le texte est très discret par rapport aux divinités des Philistins. À part Dagon, on ne parle jamais d'une autre divinité. Une fois, on va parler des dieux, vous allez le voir, mais on ne les nomme pas. Donc, est-ce qu'on ne les connaissait pas ? Est-ce qu'on ne voulait pas les nommer ? C'est aussi un peu comparable avec l'histoire de l'Exode. Parce que dans l'histoire de l'Exode, évidemment, cette confrontation entre Moïse et Pharaon, mais qui est aussi d'une certaine manière une confrontation entre Yahvé et les dieux que Pharaon représente. Mais ces dieux égyptiens, dans l'histoire de l'Exode, ils ne sont jamais mentionnés. On dit seulement une fois au chapitre 12, je vais en fait effectuer mes jugements contre l'Égypte et ses dieux. Mais c'est tout. C'est un esprit un peu comparable, ce que vous avez ici. Est-ce que les Philistins crient éventuellement même vers Yahvé ? Est-ce que c'est ça ce que le narrateur veut laisser sous-entendre ? Ce n'est pas tout à fait impossible. Donc, quelque chose qui est assez comparable à ce que nous avons au début de l'Exode. Les fils d'Israël crièrent et leur appel monta vers Dieu. Ce n'est pas sans rappeler ce passage. Et cela, en fait, va introduire le début du retour de l'arche, puisque l'arche va être retournée jusqu'à ce qu'elle arrive à Kiryat Yearim. Donc là, vous avez un tableau de Gustave Doré qui raconte comment l'arche va arriver non pas à Kiryat Yearim, mais à son état précédent, à Beit Shemesh. Alors, comment ça va se passer ? Nous allons regarder cela. Donc, je vous traduis le verset 1 à 9 du chapitre 6. L'arche se trouva dans le territoire des Philistins pendant 7 mois, et le texte grec précise, et le pays grouilla des rats. Les Philistins appelèrent les prêtres et ceux qui pratiquent la divination. Et en grec, il y a encore un troisième thème, les enchanteurs. Et puis, on l'a aussi, et ça c'est intéressant, dans le texte de Qumran, on a également un troisième terme. Donc peut-être en effet qu'à l'origine, il y avait trois, des prêtres, les devins et les enchanteurs. Et ils dirent, d'abord ils dirent, que ferons-nous de l'arche de Dieu ? Faites-nous connaître avec quoi nous la renverrons à son endroit. Et ils dirent, donc les spécialistes des prêtres, etc., si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez pas sans rien. Faites revenir pour elle une offrande de compensation. Alors vous serez guéris et vous serez pardonnés. Cela, de nouveau, manque dans le texte massorétique, mais attesté en grec et dans le manuscrit de Qumran. Et il sera connu par vous pourquoi sa main ne s'était pas détournée de vous. Ils dirent, quelle est cette offrande d'expiation que nous renverrons pour lui ? Ceci dirent, selon le nombre du gouverneur, 5 tumeurs en or. Et 5 rats en or, ça manque dans le texte Qumran et dans certains textes grecs. En effet, c'est une seule et même plaie pour vous et tous vos gouverneurs. Faites des représentations, statues de vos tumeurs. Donc, vous voyez déjà, c'est un peu répétitif. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Et des représentations de vos rats qui détruisent le pays. Et vous donnerez au Dieu d'Israël la gloire. Peut-être retirera-t-il sa main de vous, de vos dieux ou de votre dieu. Donc ça, vous le savez, Elohim, ça peut être le singulier ou le pluriel. Il retire la main de votre dieu ou de vos dieux et de votre pays. Et pourquoi rendrez-vous votre cœur lourd, avec la même racine, Kaf, Bet, Dalet, comme l'Égypte et le Pharaon ont rendu lourd leur cœur, n'est-ce pas ? Ils se jouaient d'eux et ils les ont laissés partir et ils se sont allés. Donc là, clairement une évocation de l'histoire de l'Exode. Et maintenant, prenez du bois et faites un chariot neuf et 2 vaches qui allaitent et sur lequel aucun joug n'a été mis. Attelez les vaches au chariot et faites rentrer leurs petits de chez elles à la maison. Prenez l'arche de Yahvé et placez-la sur le chariot ainsi que les objets d'or que vous allez retourner comme offrande de compensation. Placez-les dans un, c'est pas trop, récipient, je vais vous expliquer, à côté d'elle. Vous la renverrez et elle partira. Et vous verrez, si elle monte sur le chemin de son territoire en direction de Beth-Shemesh, c'est lui, donc Yahvé, ou elle, parce qu'en hébreu ça peut être à la fois Yahvé ou l'arche, qui nous a fait ce grand malheur. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés et que c'était par hasard. Ça, c'est trial by error. Donc on va essayer. Alors, la demande qui est adressée donc aux spécialistes, comme je vous ai dit, est introduit par une césure, parce qu'on aura pu passer directement du cri qui monte vers le ciel à la question adressée justement à ceux qui sont responsables des affaires du ciel, les prêtres, etc., au verset 2. Donc là, on a une sorte de césure qui veut peut-être couper l'histoire en deux et qui veut peut-être aussi montrer d'une certaine manière que l'arche peut rester nulle part. Donc on parle maintenant des champs. Les champs, c'est-à-dire les territoires ruraux qui dépendent d'une ville et qui, donc, l'arche n'est plus dans une ville, apparemment. Donc l'auteur veut suggérer que plus aucune ville ne veut ou ne peut accueillir l'arche. Les sept mois, ça peut être long, ça peut être pas long. Sept, c'est évidemment de nouveau l'idée d'une totalité. 6 plus 1. Vous pouvez aussi penser que la première plaie d'Égypte dure 7 jours. Selon Genèse 8, 4, le déluge prend fin le 7e mois. Vous savez, 7 mois aussi dans cette histoire bizarre de Gog et Magog pour enterrer les cadavres. Donc 7 arrive quand même assez souvent. Et ensuite, donc, les Philistins vont appeler des spécialistes religieux, les prêtres. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en effet, le texte hébreu va parler des Kohanim. Donc c'est le terme, en effet, neutre. Alors qu'il y a un terme péjoratif qu'utilisé pour les prêtres et des autres peuples qui est Kemarim, mais qui n'est pas utilisé ici. Donc c'est le même prêtre qu'on a en Israël. Les devins La racine kosem kasam signifie probablement quelque chose comme couper du bois, et après sans doute des divinations avec du bois. On a le roi de Babylone qui tire des flèches, peut-être aussi on tire au sort des morceaux de bois. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent le kosem est mis en parallèle avec le prophète, ou le prophète peut lui être aussi un Navi. Donc peut-être même que ici, ce deuxième expert, ce sont des sortes de divins prophètes. Hein, donc il ne faut pas faire une distinction. Et puis on a encore le Me'onen, dont on ne sait pas très bien non plus ce que c'est. Certains ont vu un lien avec les nuages, donc observation des nuages, Anan. Difficile de savoir. Ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, c'est aussi une profession qui était faite par des femmes, parce qu'on parle en Ésaïe 57 des fils d'une Onéna. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de polémique là contre les Philistins. Ils ont un peu les mêmes spécialistes qu'on peut trouver aussi en Israël, en Judée. Et d'ailleurs, ces prêtres et devins ne sont pas décrits d'une manière négatif. Au contraire, ils vont être plutôt de bons conseils. Les Philistins posent deux questions. Que faire avec l'arche et comment la renvoyer? En même temps, ils ont déjà décidé de renvoyer l'arche. Donc, en fait, c'est plutôt la question comment faire pour s'en débarrasser. Pour s'en débarrasser, comment faire, disent-ils, pour que nous puissions la renvoyer à son endroit? Donc, l'imkomo, makom, makom, c'est le lieu, mais c'est le lieu élevé. Donc souvent, en fait, le terme « makom » évoque, désigne un sanctuaire. Et là, il y a quand même quelque chose de très, très curieux, parce qu'ils disent « nous voulons la renvoyer à son sanctuaire ». Mais c'est où son sanctuaire? Si vous avez suivi... Où est-ce qu'on a volé l'arche? C'était à Silo. Donc son lieu, en fait, c'était Silo. Shilo. Mais il n'est jamais question que l'arche doit revenir à Shilo. Ça, c'est à la fois un mystère, mais en même temps aussi une clé pour comprendre le but de cette histoire. Parce que le but de cette histoire, ce n'est pas du tout de dire simplement l'arche est restituée à Israël. Non, l'arche est restituée, mais elle va trouver un nouveau sanctuaire. Et ce nouveau sanctuaire, justement, ce n'est pas Shilo. Ce n'est pas non plus Beth-Shemesh où il va arriver d'abord. Ça va être Kiryat Yéharim, où il va aboutir à la fin du chapitre 6. Donc l'arche va arriver ailleurs. Alors, les réponses des spécialistes, en fait, ils disent trois choses, trois éléments. Premier élément, c'est que vous ne pouvez pas renvoyer l'arche sans rien. Ça ne se fait pas. On ne va pas renvoyer l'arche sans rien. Vous ne pouvez pas renvoyer l'arche les mains vides. Donc, Rekim, il faut quelque chose, une compensation. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a aussi de nouveau dans la tradition de l'Exode. Lorsque Yahvé annonce à Moïse la sortie d'Égypte, il dit à Moïse, quand vous partirez pas les mains vides. Chaque femme demandera à la voisine et à l'hôtesse de sa maison des objets d'argent et des objets d'or, et aussi des manteaux. Ce n'est pas sans rappeler ce qui va se passer ici avec les objets d'or aussi. Mais c'est de manière générale une sorte de prérequis pour tout contact avec la divinité, parce que Dieu dit dans le Code d'Alliance, on ne paraîtra pas devant ma face les mains vides. Vous n'allez pas vous présenter devant une divinité sans rien du tout. Donc ça, c'est le premier élément. Il ne faut pas laisser partir l'arche sans rien. Et pourquoi il ne faut pas laisser partir l'arche sans rien? C'est le deuxième élément. Il faut donner un hacham. Un hacham. Alors, dans la littérature sacerdotale, ce terme de hacham désigne en fait un sacrifice animalier pour la purification des personnes qui, de manière consciente ou inconsciente, se sont rendues impures. Ici, c'est sans doute une signification plus ancienne. Le sens Hacham est plutôt l'idée de compensation. Hacham, c'est d'abord la faute, un délit, et désigne en même temps, comme Avon, c'est à la fois le péché et ce qu'on peut faire contre le péché. Donc ici, Hacham, c'est la compensation pour un délit commis. Donc c'est une réparation pour le tort commis, c'est-à-dire les Philistins ont déporté l'arche. Donc cette réparation doit influencer le Dieu d'Israël à guérir les Philistins de leur plaie. Et la troisième chose, ça c'est un peu curieux, il sera connu par vous, pourquoi sa main ne s'est pas détournée de vous. Parce que ça, d'une certaine manière, ils le savent. Ils le savent, c'est parce qu'ils ont volé l'arche. Puis, Mais pourquoi on dit ça? Alors, là, je pense, on le comprend, si on prend en considération les prières, disons, tout un texte autour des prières d'un roi hittite du XIVe siècle, Mursili II, qui aussi est, comme les Philistins, frappé par une sorte de peste, par la plaie. Et lui aussi, en fait, va chercher des raisons pour cette plaie. Et il va trouver deux raisons principales, c'est-à-dire son père n'a pas respecté un traité avec l'Égypte, et se emparer alors contre ces traités des possessions égyptiennes en Syrie. Et deuxièmement, il a négligé un devoir religieux et n'a pas donné des offrandes au fleuve Mala, qui est sans doute l'Euphrate. Donc ça, Mursili a compris cela, et donc il offre, comme aussi dans notre histoire, il offre des ex voto et confesse les fautes de son père. Et ensuite, c'est ça où c'est intéressant. Après, dans cette prière, il dit « Si vous m'imposiez quelques réparations particulières ou supplémentaires, dites-le-moi en songe, je vous les donnerai, si c'est à cause de cette affaire qu'on cesse de mourir. Mais si c'est à cause de quelque autre affaire que l'on ne cesse de mourir, qu'un songe m'en informe ou qu'un oracle l'indique, ou que ce soit un devin qui le relève. » C'est assez proche de ce qu'on a vu ici. « Que la raison pour laquelle la mort règne soit découverte. » Donc ça veut dire, si vous prenez ce texte, ben, vous voyez que le roi, en fait, demande au Dieu de lui faire savoir s'il y a d'autres fautes cachées ou si le Dieu demande davantage de réparation. Donc du coup, il faudrait en fait traduire le verset 3 « Vous serez guéri, ou alors, et pas simplement « et », il faut traduire le vœu, « et alors, il sera connu par vous, vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas encore détournée de vous. » Donc c'est encore autre chose, voilà, avec tous ces dons, on saura s'il y a encore quelque chose supplémentaire qu'il faut, en effet, entreprendre. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est de représenter les plaies de manière différente, parce que vous avez en fait, si vous prenez le verset 4 et le verset 5, vous voyez très bien que vous avez deux fois la même chose, des doublons, comme on dit. Donc on peut très bien passer du verset 3 ou au début du verset 4, et il dit « Quelle est cette offrande d'expiation que nous renverrons ?» Et ceci dire, faites des représentations de vos rats qui détruisent le pays. Donc probablement, en fait, à l'origine, il y a simplement des représentations des rats. L'ajout parle de cinq rats. Pourquoi cinq? Ça, c'est lié à l'idée qu'on trouve parfois dans la littérature, comme quoi il y aurait eu une pentapolis philistine. Une pentapole philistine, à savoir que les cinq villes des Philistins, Gaza, Ashkelon, Gath, Ashdod et Ekron, auraient été organisées en confédération de cinq villes. Parce qu'on trouve ça encore deux fois dans la Bible. On parle non pas des cinq villes, mais on parle des cinq tyrans philistins dans les livres de Josué et de Juges. Et beaucoup de commentateurs prennent ça, en effet, comme une information à prendre de manière historique. C'est pas si clair, parce qu'en dehors de la Bible, on n'a rien. On trouve chez Hérodote des idées sur des Pontapoles, des Libyens et des Doriens. Donc on dit qu'ils étaient organisés en cinq villes. Est-ce que ça a été repris de là et appliqué aux Philistins? Si vous regardez l'histoire de l'Arche, en fait, il n'y a que trois villes qui jouent un rôle, les villes qu'on vient de voir, en fait, Ashdod, Gath et Ekron. Les autres ne sont pas dans la visée. Donc, je pense qu'il faut être prudent avec cette idée. L'idée que les chefs philistins étaient également affectés par les plaies, c'est de nouveau assez parallèle à ce que nous avons dans l'Exode. Les ulcères étaient sur les prêtres divins, comme sur toute l'Égypte. Donc, en fait, tout le monde est concerné. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, en effet, se guérir par quelque chose qui est très très populaire, avec des ex-voto. Des ex-voto, vous connaissez, il suffit d'aller voir des chapelles catholiques dans certains endroits où, en effet, vous avez des représentations des jambes, des nez, même des fesses ici, des seins, de tout ce qui était malade, affecté, etc. Et donc l'idée, en effet, c'est via ces ex-voto, on remercie une divinité pour avoir été guéri d'une certaine maladie, un certain mal, ou alors, comme peut-être ici dans notre histoire, on va utiliser ces ex-voto en demandant en fait une grâce, donc une guérison. Donc certains parlent de magie sympathique, c'est-à-dire qu'on expulse le mal par les symboles du mal, un tout petit peu comme dans l'histoire du serpent de bronze. Vous le connaissez, le peuple est en effet attaqué par des serpents. Et donc Moïse va ériger une sorte de serpent en bronze qui est une sorte d'ex-voto contre les serpents qui attaquent le peuple. Et donc on va dire qu'il faut se faire une représentation, une tselem, une statue, c'est exactement le même mot que vous avez après dans l'histoire de Genèse 1, où le couple humain est créé à l'image de Dieu. Tselem, même expression. Le Collège de France et France Culture vous présente Thomas Römer dans le cadre de sa série L'Arche d'Alliance, Mythes et Histoires. Aujourd'hui, les transferts de l'Arche. Les chariots, je ne sais pas si vous vous souvenez, les chariots, nous les avons vus lors de notre cours sur les Philistins, donc on les voit très fréquemment en lien avec les Philistins, comme sur ces représentations égyptiennes que vous avez ici. Et l'idée, c'est que les chariots sont donc tirés par des vaches, et nous allons voir, c'est une sorte donc de divination par les vaches. Donc je vous rappelle qu'en fait, ceux qui avaient en effet proposé la solution, c'est aussi des devins. Donc, les vaches vont en effet être le sujet de la divination. Gressmann avait dit le choix des vaches, en fait, peut s'expliquer assez facilement parce que, selon lui, qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Il y avait un petit taureau représentant Yahvé. Donc il disait, c'est très bien que ça s'est tiré par des vaches, mais comme nous l'avons vu, c'est peut-être un tout petit peu spéculatif. C'est pas sûr que la statue que nous avons à l'intérieur de l'arche est vraiment en forme donc de taureau. Les vaches, en fait, qui n'ont pas encore porté le joug, ça, c'est en effet quelque chose qu'on retrouve par ailleurs dans les textes bibliques. Nous avons au nombre 19 l'idée de la vache rousse qu'on va mettre à mort, mais là aussi on dira donc qu'elle n'aura pas encore porté le joug pour en effet utiliser leurs cendres dans un rituel de purification, et également en Deutéronome 21 où il s'agit en fait d'un meurtre anonyme dont on ne sait pas l'auteur. Bon, pourquoi est-ce qu'on prend les vaches? L'idée, c'est que c'est des vaches qui sont séparées de leurs petits. Donc, c'est des vaches qui allaitent, donc les vaches qui, en fait, ont des petits auxquels, évidemment, ils sont attachés. Donc, l'idée, c'est que le chariot est son conducteur, et donc les vaches qui, normalement, devraient plutôt tendance à revenir vers leurs petits. Hein. Donc, l'idée, évidemment, c'est si, malgré tout, ils vont dans une autre direction, hein, c'est en effet que c'est une volonté divine qui se trouve derrière. Pour les Hébraïsans, je vous dis encore, il y a quelque chose d'un peu curieux, c'est que les vaches trouvent au verset 7, au verset 12, des attributs masculins dans les formes verbales ou dans les suffixes. Ce qui est très curieux. Alors, on peut expliquer cela peut-être par un souci des Massorètes. Le souci, il vient d'où? Il vient du fait, en fait, que selon le Lévitique, on ne peut sacrifier des animaux mâles. Et là, on a des vaches. Donc, du coup, ils ont essayé de résoudre le problème comme ils pouvaient en mettant aux vaches quelques suffixes masculins. Ça, c'est peut-être une explication. Si on ne veut pas dire qu'il s'agit simplement d'une erreur, mais qui revient deux fois, donc c'est quand même un tout petit peu bizarre. Donc, les objets des Philistins doivent être mis dans un argas. Un argas, on ne sait pas très bien ce que c'est un hapax, donc le mot n'est utilisé qu'ici. Hein. C'est un récipient. Un récipient sous quelle forme, c'est très difficile. Parfois, on pense qu'on peut le mettre en rapport avec un terme arabe qui désigne une sorte de sacoche dans laquelle on met des pierres pour tenir une tente et qu'on faisait porter par des chameaux. C'est sans doute un récipient dans lequel on mettait des offrandes pour l'arche. Parce que si, en effet, l'arche, comme nous l'avons dit, est une manière de représenter la présence de Yahvé, il est normal aussi qu'il faut qu'elle soit équipée en fait pour recevoir des offrandes pour Yahvé. On peut en effet faire allusion à ce texte du livre de Josué où en effet lors d'un vol, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, Akan en Josué 7 va voler le butin et apparemment ce butin était d'abord porté devant l'arche ou posé devant l'arche. Et après, évidemment, ça va être restitué. Donc, on peut en effet imaginer que quelque chose de comparable est ici dans la tête des auteurs. Donc, à la fin, on dit encore une fois, vous verrez, si elle monte sur le chemin de son territoire en direction de Beth-Shemesh, c'est lui, donc, Yahvé ou l'Arche, qui nous a fait tout ce grand malheur. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés et que c'est par hasard. Donc, soit l'un ou l'autre, donc on voit le caractère divinatoire. Donc, l'arche va arriver à Beth-Shemesh, ce qui est une mention logique parce que Beth-Shemesh, j'y viendrai tout de suite, c'est la ville frontière jouxtant le territoire philistin d'Écron. L'arche arrive donc maintenant à Beth-Shemesh. Je vous lis les versets 10 à 18. Les hommes firent ainsi. Ils prirent deux vaches qui allaitaient, les attelèrent à leur chariot. Quant aux petits, ils les avaient retenus à la maison. Ils placèrent l'arche de Yahvé, ou l'arche tout seul, sur le chariot, ainsi que le récipient et les rats en or. Et les représentations des hémorroïdes sont peut-être un ajout. Les vaches allèrent tout droit sur le chemin en direction de Beth-Shemesh. Sur un seul sentier, elles allèrent. Elles allèrent en meuglant. Elles ne s'écartaient ni à droite ni à gauche, les gouverneurs des Philistins les suivant jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Et ceux de Beth-Shemesh étaient en train de moissonner les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux et virent l'arche, et ils se réjouirent de la voir. Quant au chariot, il était arrivé au champ de Josué, un habitant de Beth-Shemesh, et il s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. Ils fendirent le bois du chariot. Quant aux vaches, ils le faisaient monter en holocauste pour Yahvé. Quant aux Lévites, ça c'est curieux, tout d'un coup il y a des Lévites. On n'a jamais entendu parler avant, mais enfin. Quant aux Lévites, ils avaient descendu l'arche de Yahvé et le récipient qui se trouvait près d'elle et qui contenait les objets d'or. Ils la placèrent sur la grande pierre et les hommes de Beth-Shemesh faisaient monter des holocaustes. Ils immolèrent des sacrifices en ce jour pour Yahvé. Quant aux cinq gouverneurs des Philistins, ils avaient regardé et retournèrent à Écron ces mêmes jours. Et celles-ci sont les hémorroïdes d'or, c'est curieux, que les Philistins retournèrent comme offrande d'expiation pour Yahvé, pour Ashdod une, pour Gaza une, pour Ashkelon une, pour Gat une et pour Écron une. Donc cinq. Et les rats d'or, selon le nombre de toutes les villes des Philistins qui étaient aux cinq gouverneurs, de la ville fortifiée jusqu'au village sans muraille. Et là, il y a des différences de nouveau à traduire, pour traduire, mais je pense qu'il faut traduire, et la grande pierre sur laquelle on avait établi l'arche de Yahvé et témoin, donc témoin et la grande pierre sur laquelle on avait établi l'arche de Yahvé jusqu'à ce jour, dans le champ de Josué, habitant de Beth-Shemesh. Alors Beth-Shemesh, donc, je vous ai dit, c'est logique que ils veulent envoyer l'arche à Beth-Shemesh, c'est pas très loin de Écron, et Beth-Shemesh donc se trouve dans la vallée d'une petite fleuve qui se jette dans la mer, donc entre Tel Aviv et Ashdod. C'est une ville assez stratégique dans les montagnes. Son nom signifie la maison de Shamash. Shamash, dieu solaire. Hein. D'autres noms peut-être pour la même ville. C'est Ein Shemesh, d'ailleurs il y a encore un village arabe qui s'appelle ainsi, qui veut dire la source de Shamash. Mais donc apparemment un lieu qui, à l'origine, est dédié en fait au dieu solaire Shamash ou Shamshu à Ougarit. Donc cette ville, elle est occupée déjà dès la fin du 3e millénaire avant notre ère. Donc ça c'est la ville moderne qui se développe de manière assez importante. Et là, vous avez en fait le tel du Beth-Shemesh ancien. Si vous allez en train de Tel Aviv à Jérusalem, vous allez vous arrêter à Beth-Shemesh. Donc, cette ville a été détruite à la fin du XIIIe siècle, et on pense souvent que de nouveau c'est en lien avec l'occupation philistine dans la suite. Il y a de nouvelles phases de destruction par les Israélites, c'est possible, parce qu'après on trouve en fait dans les fortifications des murs à casemates, donc des doubles murs, comme on les trouve aussi à Hatzor et à Gezer. Et ce qui est surtout intéressant pour cette ville, alors je ne sais pas si ça a à voir avec notre histoire, c'est qu'on a surtout trouvé dans cette ville une sorte de nécropole. Une grande nécropole entre le 8e et 6e siècle, donc toute une série de tombeaux à bancs où on mettait en fait les défunts et quand ils étaient décompensés, on rangeait les os puis on mettait quelqu'un d'autre, ce qui vous explique le terme biblique ou l'expression biblique, être rassemblé à ses pères. C'est tout à fait concret. Hein, on vous rassemble à vos pères, donc on vous met vraiment avec eux. Donc, puis parfois, les os peuvent même se mélanger. Alors, est-ce que le fait que voilà, des gens vont mourir ici à Beth-Shemesh, est-ce que ça a à voir avec la connaissance de cette nécropole? Difficile à savoir, mais c'est en effet, on cherche encore l'explication pour le fait que ça a été installé ici. On a trouvé aussi à Beth-Shemesh une empreinte d'un sceau qui mentionne un dénommé Eliakim, qui est le serviteur de Yehoiakim, ou Yoyakim, qui est l'avant-dernier roi de Juda, donc qui en fait rend la ville en 597. Et ce qui est très très intéressant, vous allez le voir, c'est que ce même nom va apparaître dans notre texte au moment où les choses vont mal se passer, si on prend en fait le texte de la Septante. C'est une ville qui apparemment a été disputée entre Juda et les Philistins. Dans certains textes, elle est revendiquée comme étant une ville de Juda, en Josué 21 même comme une ville des Lévites. Alors peut-être ça explique aussi pourquoi on parle des Lévites tout d'un coup. Après, dans le livre des Chroniques, on dit que les Philistins de nouveau avaient annexé Beth-Shemesh. Donc apparemment, c'est une ville, comme souvent les villes frontières ou les territoires frontières qui passent facilement d'un côté et de l'autre. Donc c'est une ville disputée. Alors ce que l'auteur de 1 Samuel 6 veut dire, c'est que Beth-Shemesh appartient en effet au territoire d'Israël, parce que les gouverneurs des Philistins n'y mettent pas les pieds. Ils s'arrêtent à la frontière, donc ils n'y entrent pas. Mais en même temps, on va montrer en fait que ce n'est pas un lieu adéquat pour l'arche. Parce que l'arche doit continuer jusqu'à Kiryat Yearim. Donc, le meuglement des vaches, on a déjà parlé, c'est qu'ils vont, malgré leur désir de retourner vers le petit, tout droit vers Beth-Shemesh, et donc la divination a trouvé en effet sa réponse. C'est bien Yahvé qui agit via l'arche. Pour les rabbins, les vaches n'ont pas meuglé, ils ont chanté des louanges, le cantique de Moïse, disent-ils. Ça, c'est possible quand on vocalise un peu autrement la racine. Mais bon, peu importe. Donc maintenant, l'arche va en effet arriver donc chez les habitants de Beth-Shemesh, comme l'a représenté aussi Gustave Doré. Maintenant, donc, la perspective va changer, donc le narrateur va nous expliquer ce qui se passe du côté des habitants de Beth-Shemesh qui sont en train de moissonner, donc on est mai-juin, dans une période plutôt agréable, et la réaction que va provoquer l'arche, elle est mêlée de joie et de crainte. Donc l'arche va s'arrêter au champ de Josué. Alors, c'est évidemment pas le Josué de l'histoire de la conquête. On ne sait pas, en effet, qui c'est. On peut aussi se poser la question, est-ce que le nom a été simplement inventé à cause de la signification théologique de la racine, donc, Yasha, sauvé, Yahvé, sauve, donc dans le chant qui dit que Yahvé sauve. Et le fait que la tradition n'est pas très stable se montre aussi dans la différence qui existe entre le texte hébreu et le texte grec, parce que dans la Septante, selon le Codex Vaticanus, en fait, le nom, c'est pas Josué, c'est Osée. Et Osée, c'est le prophète, mais c'est aussi le dernier roi du royaume d'Israël. Gardez ça en tête, c'est intéressant. Donc il y a une certaine fluctuation dans la traduction. Sur son terrain, il va y avoir une pierre sacrée, qui sert d'abord d'autel et ensuite d'emplacement provisoire de l'arche. Donc je vous ai déjà parlé du sacrifice des vaches qui contredit ce qu'on dit dans Lévitique, ce qui peut montrer que le texte est probablement plus ancien que le Lévitique. Et le fait qu'on utilise donc les pauvres vaches, une fois qu'elles ont amené l'arche à Beth-Shemesh, on va les sacrifier ensemble avec le chariot, hein, quelque chose qu'on trouve aussi dans l'histoire de 2 Samuel 24, où en effet David va tomber sur une aire d'un dénommé Arona, dont il va en effet acheter le terrain pour y faire l'emplacement du futur temple. Et là, c'est la même chose. Donc les bœufs, là, c'est les bœufs qui vont fournir l'Holocauste et les traîneaux, l'attelage, le bois pour l'Holocauste. Donc comme en 2 Samuel 24, on a la fondation d'un lieu de culte, on peut aussi se poser la question si en 1 Samuel 6, et peut-être aussi une sorte de récit éthiologique qui transforme peut-être un sanctuaire dédié à Shamash, Beth-Shemesh, hein, à un sanctuaire yaviste. Donc toute cette partie va se conclure dans la deuxième partie du verset 18, « Témoin et la grande pierre jusqu'à ces jours ». Donc c'est typiquement un récit d'éthiologie, comme vous l'avez aussi à Bethel, etc. C'est pour cela qu'on appelle ce dieu Bethel. Donc, ça veut dire que si le verset 18 suit directement le verset 14, ben, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Que le verset 15 et 18 sont des ajouts de toutes sortes, des ajouts divers, qui ont en fait trois thèmes que très très brièvement je vous présente. Le premier ajout a à voir avec les Lévites et les sacrifices. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas du tout parlé des Lévites. Donc là, c'est un auteur qui a dit « mais en fait, on ne peut pas manipuler l'arche sans avoir les spécialistes » et que dans le Deutéronome, dans les chroniques, il y a les Lévites qui sont tout le temps en train de porter l'arche. Ben, il faut les ajouter ici. On ne peut pas se contenter non plus d'un seul sacrifice. Donc, il faut en mettre plusieurs, comme c'est le cas ici, des holocaustes et d'autres tsevachim. Premier ajout. Deuxième ajout, c'est de faire des trois villes des Philistins dont on avait parlé cinq, c'est-à-dire de mentionner aussi les autres qui jouent pas de rôle dans le récit. Donc on veut en effet impliquer l'ensemble des Philistins avec cette idée d'une pentapole, d'une sorte de fédération de cinq villes dont je vous ai déjà parlé. Et finalement, une sorte de distinction qui en fait n'a jamais été faite entre les représentation des Émorides qui sont au nom de cinq et les représentations des rats qui semblent, selon ce verset, en fait dépasser ce nombre-là parce que pour n'importe quel petit village, il faut encore faire des représentations. Donc là, on voit en fait que ce sont des ajouts tardifs qui ne font pas du tout avancer l'histoire, ils veulent amplifier là peut-être la défaite des Philistins, mais c'est typique pour des récits bibliques, ils engendrent constamment des commentaires. Le récit engendre son commentaire, mais vous pouvez très bien vous en passer pour le fil narratif. Et maintenant, on va expliquer pourquoi l'arche ne peut pas rester à Beth-Shemesh. Et ça vient de manière assez abrupte. Je vous traduis. Il, alors qui ? Ça peut être Yahvé, l'arche. Il frappa parmi les hommes de Beth-Shemesh. En effet, ils avaient regardé l'arche de Yahvé. Ça, c'est le texte hébreu. La Septante. Et les fils de Yekonios, donc Yoyakin, ne se réjouirent pas lorsqu'ils virent. Donc là, il y a Yehoiakim, qui n'est pas mentionné dans le texte hébreu, il frappa parmi les peuples 70 hommes. C'est déjà pas mal. Et après, 50 000 hommes. De nouveau, vous avez typiquement l'œuvre d'un glossateur. Les hommes de Beth-Shemesh dirent, qui pourrait se tenir devant Yahvé, ce Dieu saint, et vers qui il, ou elle, Yahvé ou l'arche, montera d'auprès de nous. Ils envoyèrent des messagers vers les habitants de Kiryat Yearim en disant « Les Philistins ont retourné l'arche de Yahvé. Descendez, faites-la monter vers vous. » Et les hommes de Kiriath Yearim vinrent et firent monter l'arche de Yahvé. Ils l'apportèrent dans la maison d'Avinadav, sur la colline, et ils avaient, sous-entendu déjà, consacré son fils Éléazar pour garder l'arche de Yahvé. Donc, voilà le périple de l'arche. En passant par Gath, Ekron, Beth-Shemesh, il va arriver à Kiriath Yearim. Donc, nous avons là une césure, un nouveau fléau frappe les habitants de Beth-Shemesh et provoque donc l'arrivée de l'arche à sa destination. Pas finale dans le récit biblique, mais finale dans ce récit de l'arche. Comme je vous ai dit, il y a deux raisons qui sont données pour expliquer le fléau qui n'est pas précisé. Est-ce que c'était le même fléau qu'avaient frappé les Philistins? Est-ce que c'était autre chose? C'est pas précisé. Pour le texte massorétique, c'est quoi la grande faute? Ils ont regardé à l'intérieur de l'arche. Voilà. Alors, donc, ils ont dû voir quelque chose qu'on n'a pas le droit de voir. Ça, c'est aussi l'idée du Targum qui dit parce qu'ils avaient pris plaisir à regarder dans l'arche de Yahvé quand elle a été ouverte ou découverte. Alors que dans la Septante, c'est les fils d'un dénommé Yekonios, donc Yoyakin, qui ne se réjouirent pas parmi les hommes de Beth-Shemesh de ce qu'ils avaient vu le coffre du Seigneur. Alors c'est peut-être aussi la même idée, mais on met là ce nom de Yoyakin, qui rappelle en effet le dernier roi, l'avant-dernier roi de Juda. Et c'est quand même très curieux parce qu'au verset 14, nous avons vu en fait que dans la Septante, il est déjà question de Osée. Donc comme si on peut avoir l'impression qu'on voulait mettre l'histoire de l'arche à Beth-Shemesh, enfin avec les royaumes d'Israël et de Juda. Est-ce que dans la Septante, c'est quelqu'un qui évidemment connaît la disparition d'Israël et de Juda? Est-ce qu'il veut y faire allusion en lisant l'histoire de l'arche aussi comme une sorte d'histoire de l'exil? Donc, comme je vous ai dit, la nature du flot ne pas précisée. 70 hommes, 70 hommes, vous savez, on en a beaucoup, les 70 anciens, 70 fils de El, 70 fils du roi, donc c'est évidemment une chiffre ronde qui, après, évidemment, se retrouve dans l'institution du Sanhédrin, qui est aussi composé de 70 personnes. Donc les 50 000 sont évidemment un ajout d'un glossateur. Donc, pourquoi ce coup est arrivé? Cet coup est arrivé parce que n'importe qui peut pas se tenir devant l'arche de Yahvé. Donc se tenir devant, ça peut en effet avoir une signification d'abord tout basique, supporter d'être en présence d'eux, mais aussi être au service de quelqu'un. Qui peut être au service de l'arche? Et c'est justement cette expression qui est utilisée quand on parle des Lévites dans le livre du Deutéronome. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Thomas Römer les 5 et 12 avril 2018 dans le cadre de sa série L'Arche d'Alliance, mythes, histoires et histoires. Aujourd'hui, les transferts de l'Arche d'Alliance. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les citations autour de cette diffusion ainsi que l'ensemble des cours de Thomas Römer. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous achèverons notre enquête sur l'Arche d'Alliance en compagnie de Thomas Römer. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.